Genève, j'suis plus trop par là, s'ils veulent test. J'sors le katana, j'les baisse. Sur le Yamaha, si j'la sors, j'fais une Santana. Tu vas quitter, elle fait leur gitana. Qui c'est? Malala, j'ai piqué. J'fais le kanana, c'est mineux. T'as incrusté un bordel, j'la laisse dans son den. Comme elle fait sa belle, même plus je l'appelle. Et merci la zone, tous bleus, tous tonnes. Ça parle en tonnes. Que je sorte un peu de la tête. T'étonnes pas si je t'agresse. Si tu zones vers mon adresse. Des fois je zone capuché. Y'a plus de lumière dans le ghetto. Fumée sont les vitres. Je vois plus personne dans le rétro. J'suis dans ma folie, à fond dans le bolide. J'prends les virages comme Rossi. J'vais voir ma jolie. En fumée je croise la police. J'reste calme, j'reste poli. Et ouais, l'ovni c'est solide. Ma team j'aime à la folie. Dans la ville, j'me balade. Dans le coffre, une calache. À Marseille, c'est banal. Ça retrouve des cadavres. Que tu fais la bombe, que tu te la racontes. D'un coup, j'sors de l'ombre, je t'insulte la conde. Mais j'suis plein nanani, nanana. On s'en fout, toi, t'es sous et ta nana. Depuis le début, moi, c'est tout pour mama. Big up, chico, baby boy, mama. Tu me vois sous les soleils des tropiques. Déguster la vraie vie avec mon survêt olympique. Faut que je m'en aille, oh, faut que je m'en aille, que je m'en aille, faut que je m'en aille, oh. Loin des tresses, loin de la zone, tu dis. Faut que je m'en aille, loin des tresses, loin de la zone, tu dis. Faut que je m'en aille, loin des tresses, loin de la zone. Fais le voyou dans tes clips face à le ghetto. Fais pas le gros, y'a pas d'héros. Tu chantes trop, revois tes propos. T'as peut-être abusé sur le popo. Tu me cherches, j'suis pas solo. J'pourrais te rafaler en Varadero. J'suis nostalgique des fois quand j'passe devant la place. C'est plein de ci, plein de ça. Moi j'trahis pas la Honda. J'sais plus trop quoi penser. Elle veut que je lui mette la bague. J'suis dans le S63. J'm'amuse à faire des zigzags. Cœur caché sur le coco. Je vais pas jouer le Roméo. Tu fais le fond, on va te monter haut. T'esquiveras pas les balles comme Léo. Ils jouent tous des rôles. On se croirait au théâtre. Que des faux tequero. Ils donneront après le péage. Et pousse-toi quand je passe à la crapite. Comment mettre ça là dans le game. Tu vois pas, je me balade en kipstage. Sans le Dolce Gabbana. Et frère Tom, faut envoyer par la prison. Faut envoyer mandat en vitesse. Avocat vous rend vitesse. Y'a les pimpons pris des gains au bendo. C'est Béron, ils ont pris ton méro. 13-14, voilà mon numéro. Mon numéro, mon numéro. Chez moi les phénoménaux se sont mis au méro. Ou avant de shit dans le zéro. Tu vois pas que tout se sait. On a de quoi te faire danser. Stjoudjoul, allez niquer vos mères. Les jaloux, les BDH, les commères. Au départ, j'fais pas ça pour plaire. Ça dit le frère et ça fait plein de manières. Tous les jours, j'entends des trucs de fada. Tu me critiques, mais surveille ta nana. Tu peux te faire trouer si tu fais le Vandame. Et là, tu pourras sortir ta lame. Toi-même, tu sais que je sais qu'on le sait. Plein de blabla, faudra mettre un barbal ou bien cavaler. Faut que j'm'en aille, oh, faut que j'm'en aille, faut que j'm'en aille, faut que j'm'en aille, oh. Faut que je m'en aille, loin de la zone.